Pessoal, só. Je suis calé pété au J4. Elle appelle que elle me rend fou. Le son des bandits, des psychiatres. Je vais péter la baffe à qui coule. Dans le sac petit, dans le sac. Faut pas se moquer dans les sous. Je me suis fait péter par la bac. Sans ma mère, ils vont trop les fous. Je me fais le coup du foulard et je les fais déborder sur elle. Je me suis trompé de nuit, mais direct, je suis tombé sur elle. Je l'avais mis son cou et j'avais plus d'envie de nouvelles. Je me suis levé des coups, je l'ai laissé toute seule à l'hôtel. Oui, mais à mort. Ce soir on sort, okay. Mets ton Christian Dior, t'es mon lingot d'or. T'as le coupé sport, la Rolex en or. Je lui ai fait un foire, et je n'ai pas mort, okay. Oui, mi amor. Ce soir on sort, mets ton Christian Dior, t'es mon lingot d'or. T'as le coupé sport, la Rolex en or. Je lui ai fait un foire, et je n'ai pas mort. Oui, mi amor. Déjà tombée dans le love, elle me rend fou sur Instagram. Elle est déjà tombée dans le love, mais c'est ma hlal, mon petit bijou. Elle est déjà tombée dans le love, hashtag bébé, fais-moi le bisou. Elle est déjà tombée dans le love, elle veut mon hymne que je la rappelle. Elle est déjà tombée dans le love, elle me rend fou sur Instagram. Elle est déjà tombée dans le love, mais c'est ma hlal, mon petit bijou. Elle est déjà tombée dans le love, hashtag bébé, fais-moi le bisou. Elle est déjà tombée dans le love, dans le love, dans le love, dans le love.